tous les effectifs, Béaric s'est engagé sur le Val-Fouré, annoncez votre position. Julien de Sabry, je suis dans le sous-mont planque devant le dôme de Niac. Julien de Franck, nous on est en moto à la sortie de la cité TRF. On a assez reçu 5-5 pour Julien, donc je vous rappelle que ces mecs-là, ils sont des pros, ils n'en sortent pas leur premier braco, hein, donc méfiance. Urgent de Sabry, Niac vient de sortir de chez lui, individu 20-25 ans, taille 1m75, sur vêtements blancs, capuche sur la tête. Il monte dans son Audi A3. C'est suivi pour Julien, c'est suivi. Attention, c'est une équipe chevronnée, les gars. Attention au coup de sécu au rond-point. Ok, on l'a en vision, on le prend en filoche. Ok, bon, comme prévu, dès que la voiture de Niax, elle se pose, on monte, on balise et on s'arrache. Je porte trop de poids pour bosser les torsos. Faut que ça paye. Je m'adapte à l'époque sur Clock Hill Pop, c'est Molenbeek. Association de malfaiteurs, ça pue le complot. Autour de la table ronde, c'est la paix. Les frères sortent les gros, les temps sont du ego. C'est soit le frigo ou la paix. Rap serait du shit, en France serait sale. Y'a que des brrp et on les massale. Y'a que des torsionnaires ici en somme. On va tchercler, voir si t'es sans âme. Y'a ceux qui posent les sous, ceux qui vont solo. Pour que la rafale passe le salam. Ici des darons font du sroll. Pour que leur intérieur fils fasse du salou. Passe inaperçu la chop plein de cela. Ça joue les ânes, Kaiser Sosa déteint sur tout le bassin de Mantes. T'es tel passage, donc on prend quand je dis fitna. Pénurie, savant la cam, même dalk, mais je de la com. On rafle tout que tu veuilles ou pas cop. Dans l'équipe, y'a Gog et Magog. Manu le coq, café le con, à faire le hnin, c'est fallumé. Dehors, c'est pas la maison, j'te fais blesse, on a eu plus d'un. J'ai trimé, trimé, comprends-moi d'être maluné. Combien assument leur peine, mais une fois dehors, n'auront plus d'un. Pourvu, y'a que la grandeur du tout puissant qui nous impressionne. On s'automet la pression, on est passé pisseux. Bon vieux, beaucoup trop ambitieux. Fais pas le fou, tu vas appeler le 17. On va les accueillir comme abusés. Entre la jolie, c'était autre chose, c'est trop baisé. Ils font de la peine, gros. Font les 6, gros, c'est des Wayne, bro. Ils changent de camp quand Mayan Click, ils voient être meilleurs que Blow. Libérez peu, oh, une pensée à mon frère à la bang. On veut tous la paix, la base, mais dans cette dunia, faut être gang, gang, gang. Arrivage de boîte, j'fais le tour de la tête. Quête plante, trop les clés où j'fais goûter des points précis. J'aime trop le bénéf, j'peux manger toute l'année de l'Ardès à l'aise. On a tous faim, mais pas la même dalle. Et ouais, mes chips, hello, m'imbécile. Bon vieux.